et alla ensuite s'asseoir. Mon nom de famille est Chang, dit-il à Yu Kong, j'arrive d'un long voyage. J'ai entendu vos soupirs et vos plaintes, et je viens exprès pour vous consoler dans votre détresse. Yu Kong fut rempli d'étonnement, et lui donna toutes les marques de déférence et de respect. Pendant ma vie entière, dit-il à Chang, je me suis livré aux lettres et à la pratique de la vertu, et cependant je n'ai pu obtenir jusqu'ici aucun avancement. La mort m'a enlevé presque tous mes enfants, ma femme a perdu la vue, et à peine pouvons-nous gagner de quoi nous garantir de la faim et du froid. Il ajouta qu'il n'avait cessé d'implorer l'esprit du foyer, et de brûler devant lui des prières écrites. Il y a bien longtemps, reprit Chang, que je connais toutes les affaires de votre maison. Vous avez comblé la mesure de vos mauvaises pensées. Uniquement occupé du soin d'acquérir une vaine renommée, vous adressez au ciel des suppliques offensantes, qui ne sont remplies que de plaintes et de récriminations. Je crains bien que votre châtiment ne s'arrête pas là. Yu Kong fut frappé d'effroi. J'avais appris, dit-il avec émotion, que, dans l'autre monde, les plus petites vertus étaient inscrites sur un livre. J'ai juré de faire le bien, et pendant longtemps j'ai suivi avec respect les règles qui m'étaient tracées. Peut-on dire que je n'ai travaillé qu'à acquérir une vaine réputation? Tirekedrata mon ami, lui répondit Chang, parmi ses préceptes, il en est un qui recommande de respecter les caractères écrits. Et cependant, vos élèves et vos condisciples se servent souvent des feuillets de livres anciens pour revêtir les murs de leur chambre et faire des enveloppes. Il y en a même qui les emploient à essuyer leur table. Puis ils s'excusent en disant que, s'ils salissent ce papier, ils le brûlent immédiatement. Cela se passe tous les jours sous vos yeux, et cependant vous ne leur adressez jamais une parole pour les en empêcher. Vous-même, si vous trouvez dans la rue un morceau de papier écrit, vous le rapportez chez vous et vous le jetez au feu. Dites-moi un peu, à quoi sert de le brûler? Il est vrai que, tous les mois, vous mettez en liberté des animaux destinés à périr, mais vous suivez aveuglément la foule, et vous n'agissez que d'après les conseils des autres. Il semble que vous resteriez incertain et irrésolu s'il ne vous donnait les premiers l'exemple. La bonté, la compassion, n'ont jamais ému votre cœur. Vous souffrez qu'on serve sur votre table des chevrettes et des écrevisses. Ne sont-elles pas douées aussi du principe de la vie? Je passe au péché de la langue. Vous brillez par la facilité de l'élocution et par la force du raisonnement, et vous ne manquez jamais de vaincre et de réduire au silence tous ceux qui discutent avec vous. Vous n'ignorez pas que, dans ces circonstances, les paroles qui s'échappent de la bouche blessent le cœur et affaiblissent l'amitié des autres. Souvent même, entraîné par la chaleur du discours, vous abusez de votre supériorité, et vous déchirez vos adversaires par de mordantes railleries. Vous les percez des traits acérés de votre langue, et vous attirez sur vous la colère des dieux. Vous ignorez le nombre de vos fautes qui sont inscrites dans l'autre monde, et vous vous peignez comme le plus vertueux des hommes. Qui est-ce qui prétendrait me tromper? Croyez-vous qu'on puisse en imposer au ciel? Il est vrai que vous ne faites aucune action déshonnête, mais quand vous apercevez une belle femme dans la maison d'autrui, vous la dévorez des yeux, un trouble subit vous agite, et vous ne pouvez la bannir de vos pensées. Dès ce moment, vous avez commis un adultère au fond de votre cœur, seulement vous ne l'avez pas consommé. Rentrez un instant vous-même, auriez-vous assez d'empire sur vous pour imiter le sage Lunatse, si vous vous trouviez dans la même position que lui? Ainsi, vous dites que vous vous êtes conservé pur et chaste pendant toute votre vie, et vous croyez pouvoir vous présenter sans crainte devant le ciel et la terre, devant les démons et les esprits. Vous mentez à vous-même. Si donc vous suivez ainsi les préceptes que vous avez juré d'observer, qu'est-il besoin de parler de tous les autres? J'ai présenté au ciel les suppliques que vous avez brûlées devant mon autel. Le Maître suprême a chargé un esprit d'observer assidûment vos bonnes ou mauvaises actions, et pendant plusieurs années, il n'a pas trouvé en vous une seule vertu qui fût digne d'être inscrite sur son livre. Quand vous êtes seul et livré à vous-même, je ne vois dans votre cœur que des pensées d'avarice, des pensées d'envie, des pensées d'égoïsme, des pensées d'orgueil, des pensées de mépris, des pensées d'ambition, des pensées de haine et d'ingratitude contre vos bienfaiteurs et vos amis. Elles naissent, elles pullulent en si grand nombre au fond de votre cœur, qu'il me serait impossible de les énumérer jusqu'au bout. Les dieux en ont déjà inscrit une multitude, et les châtiments du ciel ne feront que s'accroître de jour en jour. Puisque vous n'avez pas même le temps d'échapper aux calamités qui vous menacent, à quoi bon prier pour obtenir le bonheur? À ces mots, Yu Kong fut frappé de terreur. Il se prosterna contre terre et versa un torrent de larmes. Seigneur, s'écria-t-il en soupirant, puisque vous savez les choses cachées, je reconnais que vous êtes un dieu. Je vous en supplie, daignez me sauver. Mon ami, lui dit Chang, vous étudiez les livres des anciens, vous êtes éclairé sur vos devoirs, et l'amour du bien vous a toujours causé une véritable joie. Quand vous entendez prononcer une parole vertueuse, vous êtes dans le moment transporté de zèle et d'émulation. La vue d'une bonne action vous fait bondir de joie. Mais à peine l'une et l'autre ont-elles cessé de frapper vos yeux et vos oreilles, que vous les oubliez sur le champ. La foi n'a pas jeté dans votre cœur de profondes racines, et c'est pour cela que vos bons principes n'ont pas de base solide. Aussi, les paroles et les actions vertueuses de votre vie entière n'ont jamais eu qu'une vaine apparence et des dehors spécieux. Avez-vous jamais fait une seule action qui décela une vertu vraie et solide? Et cependant, lorsque votre cœur est rempli de mauvaises pensées, qui vous lient et vous enveloppent de toutes parts, vous osez demander au ciel la récompense, qui n'appartient qu'à la vertu. Vous ressemblez à un homme qui sèmerait tout son champ de chardons et d'épines, et qui en attendrait une riche moisson. Ne serait-ce pas le comble de la folie? Dorénavant, armez-vous de courage, et bannissez toutes les pensées cupides, les pensées obscènes, et en général toutes les pensées déréglées qui se présenteront à votre esprit. Vous recueillerez une moisson de pensées pures et vertueuses, et c'est alors que vous devrez tourner tous vos efforts vers la pratique du bien. S'il se présente une bonne action proportionnée à vos forces, hâtez-vous de la faire d'un cœur ferme et résolu, sans calculer si elle est grande ou petite, difficile ou facile, si elle vous rapportera du profit ou de la réputation. Si cette bonne action est au-dessus de vos forces, employez de même tout votre zèle et toute votre ardeur, afin de montrer au moins l'intention pleine et entière de l'exécuter. Votre premier devoir est une patience sans borne, votre second devoir est une infatigable persévérance. Gardez-vous surtout de vous laisser aller à la tiédeur. Gardez-vous de vous tromper vous-même. Quand vous aurez suivi longtemps cette règle de conduite, vous en retirerez des avantages incalculables. Vous m'avez servi dans l'intérieur de votre maison avec un cœur pur et respectueux, et c'est pour cela que je suis venu exprès vous apporter ces instructions. Si vous vous hâtez de les pratiquer de toute la force de votre âme, vous pourrez apaiser le ciel et le disposer à changer sa décision. En disant ces mots, il entra dans l'intérieur de la maison. Yu Kong se leva avec empressement et le suivit. Mais, quand il fut arrivé auprès du foyer, il disparut. Il reconnut alors que c'était l'esprit du foyer, qui préside à la destinée des hommes. Il brûla aussitôt des parfums en son honneur, et le remercia en se prosternant jusqu'à terre. Le lendemain, qui était le premier jour de la première lune de l'année, il adressa ses hommages et ses prières au ciel. Il se corrigea de ses fautes passées, et commença à faire le bien dans toute la sincérité de son cœur. Il changea son nom en honorifique, et adopta celui de Zhang et Tao Jin, c'est-à-dire le Tao Tse, dont les pensées sont pures, et écrivit le serment de bannir toutes les pensées coupables. Le premier jour, 1000 pensées confuses venaient l'assiéger en foule. Tantôt il tombait dans le doute, tantôt dans l'indifférence et la tiédeur. Il laissait passer sans fruit les heures et les jours, et il ne tarda pas à rentrer dans la voie où il s'était perdu. Enfin, il se prosterna devant l'autel du grand dieu Kuai-yin, qu'il adorait dans sa maison, et versa des larmes de sang. « Je jure, dit-il, que mon unique désir est de ne plus former que de bonnes pensées, de me conserver pur et intègre, et d'employer toutes les forces de mon âme pour avancer de plus en plus dans la perfection. Si je me ralentis de l'épaisseur d'un cheveu, puissais-je tomber pour toujours dans les profondeurs de l'enfer. » Tous les jours, il se levait de grand matin, et prononçait 100 fois, d'un cœur sincère et pénétré, le nom sacré de Ta Tse, Ta Pi, afin d'obtenir l'assistance divine. Dès ce moment, il observait ses pensées, ses paroles, ses actions, comme si des esprits eussent été constamment à ses côtés. Il n'osait se permettre le plus léger écart. Toutes les fois qu'il se présentait quelque chose d'utile aux hommes ou aux animaux, il n'examinait pas s'il s'agissait d'une grande ou d'une petite affaire, s'il avait du loisir ou s'il était sérieusement occupé, s'il avait ou n'avait pas les moyens et la capacité nécessaires pour l'exécuter. Il se hâtait de l'entreprendre avec une joie qui tenait de l'enthousiasme, et ne s'arrêtait qu'après avoir complètement réussi. Il faisait le bien aussi souvent qu'il en trouvait l'occasion, et répandait au loin des bienfaits secrets. Il remplissait fidèlement ses devoirs et s'appliquait à l'étude avec un zèle infatigable. Il pratiquait l'humilité, supportait les affronts, et s'efforçait de convertir et de diriger vers le bien tous les hommes qu'il rencontrait. Les jours entiers ne suffisaient pas à tant de bonnes œuvres. Le dernier jour de chaque mois, il faisait le résumé de toutes ses actions et de toutes ses paroles pendant les 30 jours qui venaient de s'écouler, et l'écrivait sur un papier jaune qu'il brûlait devant le dieu du foyer. Yu Kong se mûrit bientôt dans la pratique de toutes les vertus. Faisait-il un mouvement, il était suivi de 1000 bonnes œuvres. Restait-il en repos, nulle pensée coupable ne venait troubler la pureté de son âme. Il persévéra ainsi pendant 3 ans. Quand il eut atteint l'âge de 50 ans, c'était la 2e année du règne de Wanli. Chang Qianglin avait la charge de premier ministre d'État. L'examen des Tsinsé étant terminé, il chercha un maître pour faire l'éducation de son fils. Toutes les personnes qu'il consulta lui recommandèrent Yu Kong d'une voix unanime. Le ministre alla l'inviter lui-même, et l'emmena à la capitale avec sa famille. Chang, pénétré de respect pour la vertu de Yu Kong, usa de son influence pour le faire entrer dans le collège impérial. L'année Pingzi 1576, il se présenta au concours, et obtint le grade de licencié. L'année suivante il fut élevé au rang de Tsinsé, docteur. Un jour, il alla rendre visite à un eunuque nommé Yang Kong. Yang lui présenta ses 5 fils, qu'il avait fait acheter dans les différentes parties de l'Empire, afin qu'ils fussent la consolation de sa vieillesse. Parmi eux se trouvait un jeune homme de 16 ans. Yu Kong crut reconnaître les traits de sa figure, et lui demanda quel était son pays natal. Je suis, dit le jeune homme, du pays de Kiangyu. Dans mon enfance, j'entrais par mégarde dans un bateau de grains qui partait. Je me souviens encore, quoique confusément, du nom de ma famille et de celui du village où je suis né. Yu Kong éprouva un mouvement de surprise et d'émotion. L'ayant prié de découvrir son pied gauche, il reconnut les deux taches noires et s'écria d'une voix forte « Tirekedratin, vous êtes mon fils !» Yang Kong partagea l'étonnement du père et lui rendit son fils, qui l'accompagna dans son hôtel. Yu Kong courut avertir sa femme de cet heureux événement. Elle embrassa tendrement son fils et versa des larmes de douleur et de joie. Le fils, pleurant à son tour, serra dans ses mains le visage de sa mère et effleura ses yeux aveugles avec sa langue, et soudain elle recouvra la vue. Yu Kong fit éclater sa joie au milieu des larmes qui humectaient encore ses yeux. Dès ce moment, il renonça aux emplois et prit congé de Chang Qianglin pour retourner dans son pays natal. Chang, touché de sa vertu, ne le laissa partir qu'après lui avoir fait accepter de riches présents. Yu Kong, étant arrivé dans son pays natal, continua à pratiquer le bien avec une nouvelle ardeur. Son fils se maria et eut de suite 7 fils, qu'il éleva tous, et qui héritèrent des talents et de la réputation de leur aïeul. Yu Kong composa un livre où il raconta l'histoire de sa vie, avant et après son heureuse conversion, et le fit apprendre à ses petits-fils. Il vécut jusqu'à l'âge de 88 ans, et tout le monde regarda cette longue vieillesse comme la récompense de ses actions vertueuses, qui avaient changé en sa faveur la décision du ciel. Quand un homme commet une grande faute, on lui retranche 12 ans. S'il en commet une légère, on lui retranche 100 jours. Commentaire. Cette section résume ce qui vient d'être énoncé plus haut dans le texte. L'auteur dit que les esprits observent notre conduite avec une vigilance infatigable, de sorte que nous ne pouvons dérober à leur connaissance les fautes grandes ou petites que nous commettons, et, pour nous en punir, ils nous retranchent tantôt 100 jours, tantôt 12 ans, sans faire jamais le plus léger mécompte. Les livres sacrés disent: quand un homme vient au monde, les périodes de 100 jours que le ciel lui accorde sont enregistrées au ciel. Lao Tse a ordonné aux esprits de parcourir le monde et d'examiner l'une après l'autre les actions des hommes. Au bout de 3 jours, ils font un rapport verbal, au bout de 10 jours un rapport écrit, au bout de 100 jours une récapitulation générale. Si l'homme a pratiqué le bien et fait des actions méritoires, on prolonge ses jours. Mais si, par hasard, il a commis un crime, on retranche immédiatement une portion de sa vie. Si la faute est grave, on lui ôte 12 ans. Si elle est légère, on lui ôte seulement 100 jours. Histoire. Liu Cété, qui vivait sous la dynastie des Tang, obtint dans l'armée le grade de Zhou Qiao Wei Langxiang. Quelque temps après, il fut élevé à la charge de moniteur impérial. Un jour, il se leva de bon matin et se disposait à se rendre auprès de l'empereur, lorsque tout à coup il vit paraître devant lui le génie d'une planète qui lui dit: Tirekedratin, vous avez tué par erreur 2 hommes. Pour ce délit, vous avez mérité qu'on vous retranche une période de 12 ans. L'éclat des astres va s'éteindre pour vous. Sur le champ, Liu Cété sentit ses esprits se troubler. Pendant toute ma vie, dit-il aux personnes de sa suite, j'ai veillé sur moi-même avec une attention assidue, mais parce que j'ai tué par erreur 2 hommes, on va tout à l'heure m'ôter l'espace de 12 ans et m'enlever à la vie. Il mourut en effet aussitôt qu'il eut cessé de parler. C'est ainsi que le ciel punit les grandes fautes en retranchant aux hommes des espaces de 12 ans. Fu Chongxin, qui vivait sous la dynastie des Song, était issu de parents obscurs et avait su s'élever à un rang distingué. À l'âge de 25 ans, il tomba malade et rêva qu'il était emporté dans l'autre monde. Il rencontra plusieurs de ses anciens amis que la mort y avait conduits. Seigneur, lui dirent-ils, comment êtes-vous venu dans ce lieu? Ils allèrent tous ensemble saluer un magistrat, qui leur dit, Tirekedratin dans l'origine cet homme devait mourir de faim et de froid, mais il aimait à faire l'aumône, et c'est pour cela qu'il a pu élever une maison florissante. Il était destiné à vivre 59 ans, mais comme il ne brûle point de parfum, qu'il aime à dormir, et se lève tard, sa carrière va finir aujourd'hui. Ce sont les deux fautes légères, répondirent-ils. Ne point brûler d'encens, reprit le magistrat, c'est ne révérer ni le ciel, ni la terre. Se lever tard du lit, c'est montrer qu'on aime avec excès la mollesse et le plaisir. Peut-on dire que ce sont là de légères fautes? Tirekedratin si pour de semblables motifs, s'écrièrent-ils en soupirant, on diminue la vie d'un homme aussi vertueux que Fu Chongxin, comment traitera-t-on les autres hommes? Fu Chongxin, s'étant éveillé, raconta les paroles qu'il venait d'entendre. Cette histoire montre que, même pour de légères fautes, le ciel diminue la durée de notre vie. Il y a plusieurs centaines de grandes et de petites fautes. Il faut d'avance les éviter avec soin, si l'on veut obtenir l'immortalité. Commentaire. Cette section est la suite du paragraphe précédent. Si la faute est grande, on retranche 12 ans, si la faute est petite, on retranche 100 jours. Ainsi les fautes, sans distinction de grande ou de petite, nous causent également du préjudice. Voir ce qui nous cause du préjudice et ne pas le fuir, c'est ce qu'on appelle une véritable démence. Lao Tse, qui est pénétré de compassion pour les hommes, leur indique le moyen d'éviter les fautes. Par « fautes grandes et petites », on entend les actions comprises dans le texte qu'on va lire, depuis « ne faites pas un seul mouvement qui soit contraire à la justice, jusqu'à « ne tuez point les tortues ni les serpents ». On distingue plusieurs centaines de choses qu'il faut éviter. Dès que nous avons commis une faute, on diminue la durée de nos jours. Si vous voulez obtenir une longue vie qui dure 100 ans, si vous voulez obtenir l'immortalité, quoique vous n'ayez point encore fait de bonnes œuvres, commencez par fuir, avec l'attention la plus sévère, toute espèce de faute grande ou petite. Gardez-vous de pécher de l'épaisseur d'un cheveu, et votre existence sera prolongée suivant le degré de vos mérites. Avancez dans la bonne voie, et reculez devant la mauvaise voie. Glochitao, la bonne voie, c'est la raison, qui est droite, grande et lumineuse. C'est comme la grande route que les hommes foulent pendant la vie. Les mots de Tsin, alors avancez, signifie qu'il faut aller en avant avec une résolution bien arrêtée, et marcher d'un pas ferme et intrépide. Les mots feitao, la mauvaise voie, désignent les choses qui ne sont point d'accord avec la raison. C'est comme un sentier tortueux et détourné. Les mots tsetui, alors reculer, signifie qu'il faut revenir sur ses pas d'un cœur ferme et résolu, et se garder de marcher en avant. Commentaire. Cette section est la base principale des deux sections qui vont suivre. Les préceptes énumérés depuis « ne foulez point un sentier oblique » jusqu'à « donner aux hommes sans en éprouver du regret » sont compris dans ce que l'auteur appelle ici « Chitao », la bonne voie. Aussitôt que vous avez reconnu la bonne voie, vous devez employer toutes vos forces pour faire toutes les bonnes actions qu'elle embrasse, et alors, le bonheur vous arrive de lui-même. Les défenses énumérées depuis, ne faites pas un seul mouvement qui soit contraire à la justice, jusqu'à ne tuez point les tortues et les serpents, sont comprises dans ce que l'auteur appelle feitao, la mauvaise voie. Dès que vous avez reconnu que vous êtes dans la mauvaise voie, vous devez reculer en arrière, et vous garder d'y marcher, et alors, le malheur s'éloignera de lui-même. Par la distinction de ces mots, chi, un, bon, et fei, cinq, mauvais, Lao Tse enseigne aux hommes à bien examiner, à bien peser d'avance ce qu'ils veulent faire. Quand ils ont reconnu clairement que telle ou telle action est conforme à la raison, ils doivent de suite mettre la main à l'œuvre, et la faire sans hésiter. Le plus léger écart, fût-il de l'épaisseur d'un cheveu, peut entraîner une erreur de 1000 lis. Le mot « c'est », alors, répété 2 fois, indique que nous devons prendre aussitôt une ferme résolution. Loin de nous cette lenteur, cette hésitation, cette pusillanimité, qui empêche d'avancer quand il le faut. Gardons-nous aussi de cette aveugle confiance en nos propres forces, qui ne permet pas de reculer lorsque la raison le commande. Histoire. Chao Tsing Yin Kong disait ordinairement, « Tout ce que je fais dans le jour, je l'annonce le soir au ciel en brûlant de l'encens, et je n'ose jamais faire des choses dont je n'oserais lui exposer l'aveu. » Suo Hongmen avait écrit en gros caractères ces paroles du roi des enfers, « Ne manquez pas d'enregistrer le soir ce que vous avez fait pendant le jour. » Ne faites pas les choses que vous n'oseriez inscrire. Dès que ces deux hommes avaient vu clairement ce qui était bien, ils prenaient la ferme résolution de le faire. Ne foulez point un sentier tortueux. Commentaire. L'homme qui ne conserve pas un cœur droit, fait beaucoup de choses qui ne sont pas droites. La beauté peut troubler notre âme. L'amour du gain peut égarer notre prudence. Pour peu qu'on manque de veiller sur soi-même,